Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Vous écoutez Fréquence Protestante et la 49e mécanique des ondes, avec aujourd'hui une invitée qui amène tous les soirs sur Europe 1 ce qu'elle appelle une boîte de chocolat à ses auditeurs, comme celle de Forrest Gump, hein, ouais. C'est comme ça qu'elle a défini son émission dans une interview. Émission qui se nomme Shuffle, qu'il faut lire et prononcer en anglais, hein, shuffle, parce que sinon shuffle ça veut rien dire. Mon invité a aussi été une voix incontournable au sein de la maison de la radio du temps d'un certain esprit rock qui move et qu'elle n'hésitait pas à libérer, comme le disait le slogan d'époque, avec une pêche non dissimulée. Mon invité se nomme Émilie Mazoyer. Bienvenue dans la mécanique des ondes. Merci beaucoup Eddy, bonjour. Bonjour, bonjour. Et je parlais de pêche justement, là aussi, petite référence à un vieux logo d'Europe 1. Hein. Oui, c'est la pêche, c'est vrai. Voilà. Alors c'était bien avant que j'arrive, voilà, mais comme, c'était pas mal. Hein. Comme quoi tout est lié. C'est vrai. Donc Émilie, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir eu envie de discuter avec moi, ça me fait plaisir. J'étais jamais venue en plus chez Fréquence Protestante, donc je suis bien contente d'être là. Eh bien, plaisir réciproque. Et on va commencer à partager votre histoire radiophonique, ouais, avec la première question traditionnelle de cette émission. Là, aujourd'hui, vous êtes au micro d'une radio associative. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rappelle des souvenirs ? Eh bien non, j'ai pas eu cette chance moi dans la petite ville où j'ai grandi. Il y avait pas de radio associative. Moi, j'ai grandi dans la banlieue d'une ville qui était déjà bien petite, qui s'appelait Auch dans le Gers. Oh, il devait y avoir, je sais pas, peut-être 15 000 habitants, je vais pas dire de bêtises, dans les années 80-90, et j'étais même pas dans cette ville-là, moi. Ça, c'était la ville pour moi. Voilà, moi, j'étais à l'extérieur de cette ville-là. Bref, il y avait pas de radio associative. J'écoutais beaucoup la radio ado, ça me faisait rêver, mais en fait, je suis passée directement du rêve, alors pas au micro, hein, ça arrive rarement, au standard d'une radio qui s'appelait le Move, et c'est en étant standardiste en fait que je suis arrivée à la radio. Mais je trouve ça formidable, les radios associatives, et à chaque fois que un auditeur ou même un jeune homme, une jeune fille me demande dans la rue, ah mais comment on fait, comment tu fais, faut faire une école, je dis non, l'école, c'est le micro, et le micro, il y a que les radios associatives qui le font vivre pour de vrai. C'est-à-dire qu'on parle à des vrais auditeurs. Et ça n'a pas de prix. C'est merveilleux ce que vous faites. Mais s'il y en avait une, justement, vers Auch, hein, c'est ouais, ça. Est-ce que vous y seriez foncé la tête baissée? Ah oui, eh oui, oui. Et puis alors j'aurais été très relou, je pense. C'est-à-dire j'aurais campé devant la porte en attendant qu'on me donne un petit bout de truc à faire. C'est ça qui est chouette aussi avec les radios associatives, c'est que on n'a pas besoin d'avoir 18 ans. Il y a des membres de ces associations qui ont 15, 16 ans. Alors évidemment, on leur donne pas une émission comme la vôtre, mais on peut quand même participer. Puis on peut voir comment ça se fabrique, etc. Donc oui, oui, oui, bien sûr que j'y serais allée. D'ailleurs, la preuve, c'est que je savais bien que ça existait, les radios associatives. C'est juste que moi, dans mon bled, il n'y en avait pas. Mais oui, oui, oui, ça me... Et en arrivant à la fac... Je me souviens qu'il y avait une très grosse radio associative, pour le coup, qui est Radio Campus, qui existe dans plein de campus, justement, plein d'universités. Et ils n'étaient pas sympas du tout, ça c'était à Toulouse. Et ils m'ont même pas reçu. Voilà, c'était ma deuxième tentative. Et donc, j'ai pas fait de radio associative parce que, voilà, au début, il y en avait pas. Puis quand il y en avait une, ben, ils étaient pas sympas. C'était pas tombé sur la bonne, en fait. Mais non, c'est ça. Alors qu'en plus, voilà, pour le coup, les radios associatives ont une très bonne réputation. C'est un endroit où il y a des passionnés de radio. Moi, je rencontre beaucoup des radios associatives quand je vais couvrir le festival des Vieilles Charrues à Carhaix, au fin fond de la Bretagne, à Finistère, très exactement. Et il y a beaucoup de radios associatives dans cette région-là de France, mais une multitude, oui, vraiment. Et les Vieilles Charrues étant un festival très implanté localement, ils invitent toutes les radios associatives. Ils sont tous accrédités, ils ont tous un tout petit bout de studio, mais ils ont quand même de l'espace pour faire des émissions autour du festival. Et donc, à ce moment-là, moi, je les rencontre. Et je vois vraiment des passionnés, mais des gens qui bossent jusqu'à 2h du matin, s'il faut, et ça les éclate. Et je dois dire que cet enthousiasme, on ne le retrouve pas forcément chez des gens dont c'est le métier officiel. Voilà, donc c'est très rafraîchissant et ça rappelle aussi à quel point on peut faire de la radio avec assez peu de moyens, finalement. C'est vrai que là, moi, je suis à Europe 1. Avant, j'étais à Radio France. On travaille dans des conditions de technique qui sont optimales. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le dernier cri de tout. Voilà, dans pas mal de radios asso, on se débrouille. Et on se débrouille vachement bien, et à l'antenne, c'est bien. Mais bon, chez vous, c'est chic, hein, je vois. Non, on a du dernier cri, on a du beau micro. Et comme on dit, les radios associatives, c'est bien évidemment la meilleure école qui soit. Ah mais oui, ah mais ça, il n'y a pas mieux. Alors, je sais qu'il y a des écoles de radio qui sont très chères. Très chères, les étudiants prennent des prêts étudiants qui vont rembourser pendant peut-être les 10 ou 15 premières années de leur vie professionnelle pour pouvoir se payer ces écoles-là. Il y a aussi des bourses, heureusement. Mais alors moi, pour le coup, qui travaille en radio, qui n'est pas fait d'école de radio, je ne vais pas pouvoir vous dire que c'est indispensable de faire ces écoles-là et dépenser autant d'argent. En revanche, il me semble absolument indispensable, oui, d'une manière ou d'une autre, de se plonger dans le bain. Avant de parler au micro et d'aller voir un chef et de lui dire « Hey, écoute ce que j'ai fait ». Donc, la radio associative, c'est l'idéal. Voilà, moi, sinon, squatter au standard d'une radio, aller fouiner, regarder comment les journalistes préparent leurs flashs, comment les animateurs, comment tout le monde travaille, ça a été mon école à moi, ça. Mais oui, pour moi, ça surpasse, l'expérience de radio associative surpasse tous les autres moyens d'arriver au micro et à la radio, oui, clairement. On aura sûrement l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans l'émission, je pense. Mais pour l'heure, donc, retour à vos débuts. Oh là. Du coup, vous l'avez dit, vous êtes arrivé au standard au Move. Oui. Le Move. C'était le précise, Move, hein, à l'époque. Et vous avez raison de le préciser parce que il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, le Move est devenu Move. Ça a changé complètement de format. C'est devenu une radio hip-hop qui appartient toujours à Radio France, évidemment. Mais donc oui, moi, à mon époque, c'était une radio rock, 100% rock. Et 100% à Toulouse aussi. Et 100% à Toulouse. On l'oublie des fois un peu, hein, faut préciser. Oui, d'ailleurs, bah, moi, j'ai grandi dans le sud de la France, je parlais de mon petit bled dans le Gers, mais ensuite, donc, au moment de faire mes études, voilà, je suis montée à Toulouse, et j'ai toujours un peu d'accent, quand j'ai pas à le chercher très très loin, il revient. Et donc, oui, il y a cette radio qui est là, et que j'écoute. Je suis une auditrice, moi, du Move à l'époque. Je trouve ça chouette. Ils passent du rock. Ils passent M, Mathieu Chédid, tout ça. Enfin, voilà, je les aime bien. Et j'apprends à la fac. J'étais en fac d'anglais, au Mirail, à Toulouse. Qu'en fait, on peut travailler là-bas. Ils prennent des étudiants en 12 petits CDD de 1 mois au standard. Et puis ensuite, on dégage. Et puis, ils en prennent un autre. Donc, moi, je me dis, bah, ça, c'est super. J'avais déjà fait des jobs étudiants un peu pénibles. Le pire étant vendre des clopes à la gare de Toulouse, à l'ouverture du Relais H. À l'époque, ça s'appelait Relais H, pas encore Relais. Et la clientèle, à 5h du matin, est compliquée. Et j'étais pas bien vieille, moi. Et voilà. J'imagine, je me fais l'image, là. Ouais, vous voyez, hein, quand j'ouvre le rideau, ce qui m'attend derrière, c'était un peu compliqué. Donc je me dis, mais génial, en plus, c'est l'occasion, voilà, peut-être de m'incruster. Et c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai envoyé mon petit CV, ma petite lettre de motivation au Move à Toulouse, donc, puisque c'était une chance inespérée quand même. Il y a un grand média, c'était pas énorme, mais ça appartenait quand même à Radio France, qui était dans ma ville. Donc j'ai postulé pour ce job de standardiste, puis je l'ai eu. Et ensuite, une fois que j'étais sur place, vous voyez l'expression « coller comme une moule à son rocher ». Bah voilà. J'imagine, ouais. Collé, je ne bougeais plus. J'étais payée pour faire le standard de 6h à 9h du matin. J'arrivais effectivement pour prendre mon poste à 6h. Je repartais jamais avant, je sais pas, 15-16h. Je parlais à tout le monde, je posais plein de questions. Les animateurs me détestaient. J'étais tout le temps sur leur dos, en fait. Et si ils me parlaient pas, c'est pas grave, je restais à côté, je regardais. Ça devait être angoissant, les pauvres. Donc, l'expression « faire partie des murs » déjà dès le début. Mais complètement, voilà, c'est ça. Et puis ensuite, il s'est trouvé que, par petite touche, un animateur qui avait un jeu, qui avait oublié le jeu, qui me faisait signe de venir au micro. Et la première fois que je parle dans un micro, c'est ça. C'est l'animateur du matin qui avait oublié de dire que le disque à gagner ce jour-là, c'était un CD collector de je sais plus quoi. Et donc il parle, moi je m'attendais pas à ça, il me fait signe de rentrer en studio, donc je lui avais écrit le nom du cadeau sur un papier, je me suis dit il va le lire, et en fait non, il m'a dit alors Émilie, qu'est-ce qu'il a gagné ce matin? Oh là là! Alors je parle, Et je super mal, évidemment. Enfin, j'ai peur. Je dis oui. Alors, ce matin, si vous jouez sur le move, vous allez gagner un collector. Et alors lui, il dit mais un collector de quoi? Parce qu'évidemment, je vais vous dire aux gens que c'est un disque et que voilà. Donc j'ai un peu foiré ma toute première intervention, mais voilà, c'était fait. Ça reste un moment marquant. Oui, extrêmement marquant, extrêmement marquant. Et puis ensuite, bah voilà, c'est ce qui s'appelle vraiment faire son trou, c'est-à-dire que du standard, je suis passée d'abord à des petites chroniques au téléphone, parce que j'avais eu une comment ça s'appelle, une bourse d'études pour aller à la fac de Berkeley aux États-Unis. Donc à la fin de mon job de standardiste, je suis partie en Californie faire un semestre là-bas. Et ils m'ont proposé, ils m'ont dit bah c'est quand même sympa d'être sur un campus américain. Le MOOF, c'est une radio jeune, une radio d'étudiants. Ce serait super que tu nous racontes un peu comment se passe la vie des étudiants là-bas. Donc c'était par téléphone, c'était pareil, c'était pas terrible, mais voilà, c'était mes premières expériences. Surtout, c'était payé, c'était fou. Et après cette petite expérience là, quand je suis rentrée de Californie, on m'a proposé de prendre une chronique dans la matinale qui s'appelait La vie d'Émilie. Pas la matinale, hein, la chronique. Oui. Juste. Non, la matinale, c'est arrivé, je crois, un an après. Oh mon Dieu. Oui. Et donc voilà, c'était un petit billet d'humeur. C'était payé 50 francs et c'était à 6h20 du matin. Et mes parents se levaient pour m'écouter tous les matins. Et tous les matins, ils me disaient qu'est-ce que c'était bien et tout. Il y a pas très longtemps, j'ai déménagé et j'ai retrouvé mes textes, parce que j'écris toujours à la main, j'arrive pas à écrire à l'ordinateur. Donc j'ai retrouvé mes textes avec mon écriture de gamine, hein, j'avais 22 ans. Et il y avait pas que du bon, hein. Mais voilà, ils m'ont laissé apprendre sur le tas. Et voilà, et après d'une chronique, un remplacement, un animateur qui est pas là un week-end, et puis voilà, au fur et à mesure, ça a pris et je suis restée sur le move en tout pendant 15 ans quand même. Avec plusieurs émissions, dont certaines qui ont marqué toute une génération d'auditeurs, si je puis dire. On va en parler juste après une première pause musicale, un morceau que vous avez choisi. Ah oui, Émilie, en général, quand elle écoute de la musique en studio, elle est toujours à fond. Oui, c'est vrai, je chante. On le voit sur les webcams d'Europe, hein, des fois. Et donc, on va rester dans ces années move, justement, avec un morceau qui était à l'époque, je m'en souviens, une nouveauté. Entre les White Stripes et Seven Nation Army, il y avait aussi une autre nouveauté à l'époque qui s'appelait Franz Ferdinand. Ah oui, Take Me Out. C'est ça. J'adore. C'est dommage qu'on n'ait pas l'image dans le studio. Je peux pas m'empêcher de danser. Mais elle vit la musique. Oui. C'est une animatrice qui vit la musique, Émilie Mazoyer. Oh, mais vous aussi, dites la vérité, hein. Vous êtes tendinée un peu. Hein. Oh oui, mais alors quand il y a des sons plus énervés, là, je vous dis pas. Franz Ferdinand avec Take Me Out, premier choix musical de notre invitée Émilie Mazoyer dans la mécanique des ondes et sur Fréquence Protestante, qui était à l'époque une nouveauté récurrente sur le Move. Oui, si on exactement. On passait cette chanson, je sais pas, peut-être 10 fois par jour quand c'est sorti. C'est vraiment le début des années 2000, ce retour du rock, avec les Strokes, avec les Libertines, avec Franz Ferdinand, et puis un tout petit peu plus tard Arctic Monkeys, et puis White Stripes, tout ça. C'était, il y avait des nouveaux groupes de rock toutes les semaines, et c'était, tout était formidable. C'était une espèce de période musicalement très riche. Donc nous, on se régalait, on était une radio rock. Et je me souviens qu'à cette époque-là, on avait un slogan. C'était « Si c'est trop fort, c'est que t'es trop vieux ». Je m'en souviens pas de celui-là. Tiens. Il n'est pas resté longtemps. Ça avait fait râler la présidence de Radio France qui avait dit « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? N'allez pas traiter les gens de vieux. C'est horrible. » Et donc voilà, non, c'est un slogan. Je pense qu'on a dû garder 3 semaines, mais on ricanait. Voilà, sachez-le. En tout cas, le Move a tenu un record, je pense, au niveau du slogan le plus court. Oui, c'est ça. Faudra vérifier. Donc, nous retournons donc au Move, oui. À Toulouse. Oui, oui, oui, parce que le Move a déménagé, sachez-le. À Paris. Voilà. Voilà. À la maison de la radio. C'est-à-dire que moi, quand je commence au Move, quand je commence à m'incruster, à faire la standardiste, la chroniqueuse, mes premières émissions, etc., c'est à Toulouse. Puis à un moment, le nouveau patron, qui s'appelle, et c'est peut-être un nom qui va vous dire quelque chose si vous suivez un peu l'actualité des médias, Frédéric Schlesinger, qui est un type qui venait du groupe Lagardère, d'Europe 1, et qui arrivait à Radio France, et à qui on avait dit, tiens, tu vas remonter un petit peu le Move, parce que ça fait quand même pas assez d'audience. Et il a dit, la première chose à faire, c'est d'avoir un studio à Paris pour avoir des invités, les gens qui sont en promo, les chanteurs, les acteurs, etc. Tout à Toulouse, c'est pas possible. Vous voulez être une radio nationale, on va avoir une fréquence à Paris et on va faire les choses bien. Et donc Frédéric Schlesinger, il a fait ça, il a vraiment développé le Move pendant 3 ou 4 ans. Et donc il avait décidé que moi je ferais partie de l'équipe qui monterait à Paris. Avec donc deux émissions, une qui était une libre antenne 100% féminine qui s'appelait Les Filles du Move, et puis la deuxième qui justifiait ma présence à Paris qui s'appelait la Move Session, où en fait chaque jour on recevait un groupe en session, comme son nom l'indique, et puis quelqu'un qui avait écrit un bouquin ou un acteur ou quelqu'un d'intéressant en tout cas. Et donc j'avais ces deux émissions là, ce qui faisait que j'étais à l'antenne, désolé pour ceux qui m'aimaient pas, de 19h à minuit, ce qui est quand même énorme. Il devait pas y en avoir beaucoup, hein, parce que Les Filles du Move en tout cas c'est une émission qui était emblématique, je l'ai dit tout à l'heure, pour toute une génération d'auditrices et d'auditeurs. Oui, les garçons aussi. Hein. Et d'ailleurs, et c'était aussi notamment pour le côté un peu à contre-courant des autres radios jeunes. D'ailleurs, je me souviens, le premier soir des Filles du Move, j'ai écouté, vous aviez pris le micro, vous avez commencé direct avec un zapping de ce qu'il y avait sur les autres radios à cette heure-ci. Oui, c'est ça. Et sur les autres radios, ce qu'il faut dire, c'est que le Move, c'est une radio publique, donc payée avec l'argent des impôts. L'idée étant que tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire que le service public doit proposer des choses pour tout le monde. En termes de libre antenne, donc d'émissions de nuit avec des gens qui téléphonent et des animateurs, soit qui conseillent, soit qui rigolent, tout le côté garçon, vestiaire de foot ou un petit peu dans l'outrance, que ce soit sexuel, il y a beaucoup de libre antenne avec des espèces de concours là, qui va raconter l'histoire la plus ahurissante. Tout ça, ça existait déjà, et c'était pas le rôle de Radio France de faire ça. Le rôle de Radio France, c'était de proposer autre chose. Or, à cette époque-là, on n'est pas encore dans l'ère du message instantané, on n'est pas encore sur Facebook, on n'a pas Twitter, on n'a pas tout ça. Internet commençait à peine. Voilà, j'avais même pas d'adresse mail, moi, je me souviens au début. Pas un caramel.com. Rien, même pas un caramel. Mais du coup, les auditeurs, ça les choquait pas de téléphoner. Aujourd'hui, moi, je lancerais pas une libre antenne en demandant aux gens d'appeler. Plus personne ne le fait. Ils envoient des snaps, les enfants. Ils envoient plus des, ils nous appellent plus. Donc l'idée, c'était de faire une libre antenne. Encourager les jeunes gens, les jeunes filles. Je dis jeunes parce que le Move était quand même une radio qui visait les 15-30. Et de leur proposer autre chose. Ce qui ne se faisait pas ailleurs, ce que faisait pas Difool, il y avait Morad aussi à l'époque. Enfin voilà, il y a toute une bande de garçons plutôt forts en gueule. Et donc nous on a dit, on va faire les filles. Enfin, on a dit. rendant à César ce qui lui appartient, Frédéric Schlesinger a dit « Tu vas faire une libre antenne de filles, je vais te mettre une technicienne, une standardiste. Comme on n'a pas les moyens de te payer des chroniqueurs et que ça n'a pas de sens de toute façon, comme nous ne te payerons pas des comédiens, ce que faisaient toutes les autres libres antennes. Hein. Faut pas croire, hein, quand vous écoutez une libre antenne avec un type qui téléphone et qui raconte une histoire dingue et puis trois minutes après une autre histoire folle et tout, ce sont des comédiens évidemment qui sont payés. Donc nous, on n'avait pas de comédiens ni de comédiennes. C'est pareil, c'est pas comme ça qu'on dépense l'argent public, ça ne se fait pas. Donc, j'avais voilà ma technicienne, ma standardiste, toutes les trois micros ouverts, et puis c'était parti pour une soirée filles, quoi. Au début, on pensait avoir que des filles au téléphone. En fait, très rapidement, les mecs sont arrivés, très sympas, et avec une toute petite dose de retenue. Je me souviens souvent, quand les garçons arrivaient à l'antenne, ils disaient « Ah bah merci de m'accueillir, ou merci de me recevoir. » Parce qu'ils sont plus majoritaires. Et ils avaient peut-être l'impression, ouais, ou de débarquer dans une soirée fille à laquelle ils n'auraient pas été invités autrement, quoi, je sais pas. Et donc voilà, après, les thèmes abordés étaient vraiment choisis par les auditeurs. Hein. Je le répète, moi j'avais pas de comédien. Donc, certains soirs, c'était formidable, on rigolait. Puis certains soirs, c'était un peu long. Parce que bah, comme dans la vraie vie, hein, y a juste des jours où il se passe rien. Donc voilà, c'était là l'intérêt d'être plusieurs dans le studio et de se renvoyer un peu la balle. Oui, c'est ça, il y avait toute une bande aussi. Oui, il y avait une bande. Puis après, on a très très rapidement des auditeurs fidèles aussi. Mm. Quand on fait une libre antenne et qu'on donne la parole aux gens, il y a beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles qui sont très ravis, très contents de l'apprendre en fait. Oui, c'est ça. Oui, il y avait toute une communauté. Moi, je m'en souviens qui les se formait sur Internet, exactement. Il y a eu des forums, il y a eu des skyblogs. Alors, ouais. J'annonce, c'est la première fois que le mot skyblog est prononcé en 2018. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y avait des pages MySpace. Ah, c'est la première fois qu'on. Voilà. Non, mais c'est fou parce que c'était il y a pas si longtemps et pourtant, voilà, on sent que le média radio a tellement évolué depuis et la jeunesse aussi a beaucoup évolué. Et moi, j'en garde. Enfin, ce sont mes plus beaux souvenirs de radio, les filles du Mouv, parce que j'étais encore une gamine et j'apprenais et j'avais des gens au téléphone qui étaient un peu plus jeunes que moi, mais pas beaucoup plus jeunes que moi. Et voilà, on se serrait les coudes. J'avais pas l'impression d'être la psy de service, j'étais plus une grande sœur ou une cousine à qui on demande trois conseils, à qui on raconte des blagues, avec qui on écoute du rock très très fort en montant le son. Et en secouant la tête. En secouant la tête. L'ambiance était vraiment chouette. Aujourd'hui, on dirait c'était un safe space. C'est-à-dire qu'on pouvait appeler. On n'allait pas. C'était aussi une mécanique de fonctionnement des autres libres antennes, de se moquer de certains auditeurs, de leur casser du sucre sur le dos, d'appeler leur gonzesse. Nous, on faisait pas ça. Nous, on était bienveillantes, en fait. Donc les gens, ils risquaient rien à nous appeler. Ils le sentaient, ils étaient détendus et on passait vraiment c'est ce un bon faut. Moment. C'est ce qu'il faut faire avec l'auditeur. Oui, je pense. Enfin, après, s'il y a des masos, voilà, ils savaient où aller, mais on a vraiment passé des moments formidables. On avait une sexologue aussi une fois par semaine qui venait, Catherine Solano. Et là encore, l'offre était ultra différente de ce qui se passait sur les radios en face, puisque voilà, nous, il y avait pas d'histoire d'acrobatie, de kamasutra. Nous, c'était des gens de 15 ans qui disaient mince. Je suis encore pucelle, est-ce que c'est grave? Voilà, c'était des vraies questions de la vraie vie en fait. Et les concurrents avaient l'air de penser que c'était pas assez intéressant, mais en fait, on a été un petit caillou dans leurs chaussures pendant un moment parce que ça a vraiment bien marché cette émission. Cette aventure a duré 4 années, ouais. Quasiment, ouais. Et elle a eu aussi sa version télé. Je m'en souviens. Émilie et les filles sur Fille TV. C'était la radio filmée en fait. Hein. Oui, c'est ça. Mais alors, comment vous avez vécu vos premiers pas à l'écran sans vraiment que ce soit de la télévision, puisque comme vous l'avez dit, c'est de la radio filmée. Ah bah moi, je me souviens, ils m'emmerdaient parce qu'il fallait se maquiller. Alors, j'étais pas contente. Je disais, mais vous êtes sûre, il faut mettre. Enfin, moi, au début, on m'avait dit, on va venir te filmer en studio. Je trouvais ça très sympa. Ils ont débarqué avec des lumières et des lumières teintes en rose. Et là, j'ai dit, mais c'est pas tellement l'ambiance, hein, vous savez. Ah, mais si, tu vas voir et tout. Et je me suis disputée une ou deux fois avec le producteur. Et puis après, ça roulait. C'était un peu moins rose, c'était un peu moins fifi. Il avait tenté au début voilà, de bidonner des appels, faire comme les autres, en fait. Et j'ai dit, bah non, si tu viens filmer les filles du Mouv, tu vas voir les filles du Mouv. Et il y a des soirs, tu vas venir filmer pour rien. Parce qu'effectivement, il n'y aura peut-être rien de sexy pour ta télé. Bah tant pis, tu reviendras le lendemain, quoi. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Je fais d'autres trucs en télé, mais la radio filmée, moi, je trouvais ça rigolo. En plus, ils avaient eu quand même une ou deux bonnes idées de réalisation. Donc, voilà, non, c'est une bonne expérience. Ça ne dénaturait pas trop le charme de l'écoute, non? Non. Après, ce qui est drôle, c'était que les auditeurs, du coup, commençaient à vraiment me reconnaître. dans la rue. Ça, c'est marrant quand on fait de la télé. C'est oui, que les gens vous reconnaissent. Visage, oui. Ouais, les gens vous reconnaissent. Et là, alors c'était il y a longtemps, hein, aujourd'hui, je vais avoir 38 ans cette année. J'avais 25 ans, donc ça commence à dater. Et j'ai encore des auditeurs, auditrices qui viennent me voir dans la rue et qui me disent « Ah, c'est super, par exemple, c'est la première fois chez toi qu'on a entendu parler d'homosexualité » ou « Oh bah tiens, tu m'as fait découvrir Franz Ferdinand ». Ils ont des souvenirs très tendres de cette période, et moi aussi du coup. Et donc ça continue à vivre un petit peu. Alors avec des professionnels comme vous, quand on interview souvent, on m'en parle, mais aussi dans la rue avec des gens qui sont devenus voilà plein de. Et l'autre jour dans l'avion, il y a une hôtesse de l'air qui m'a dit ah j'ai appelé les filles du Move. Voilà. Et donc il y a eu l'après filles du Move aussi, bon ouais. Toujours au sein de la radio Carré Orange, comme j'aime bien la surnommer des fois. Ouais. Donc là vous avez enchaîné plusieurs émissions au fil des années avec parfois quelques binômes. Alors il y a eu Thomas VDB pour des Move Sessions, ouais. Il y a eu la grande scène du Move, ça c'était l'after avec Jean Z. Ouais, exactement. Et puis il y a eu Move Génération avec Olivier Cachin également. Alors moi je voulais savoir comment ça se passe quand on démarre ce genre d'émission en duo. Est-ce que c'est la direction qui propose ou est-ce qu'il y a un choix personnel? Non, c'est la direction qui propose. Moi, je suis un peu fainéante, donc je suis pas vraiment force de proposition, je dois dire. C'est-à-dire que je, surtout à Radio France et surtout après pas mal d'années, j'avais tendance à croire les chefs sur parole, ce qui était une connerie d'ailleurs, je pense, à la fin des Filles du Move. C'est-à-dire que les patrons ont dit faut arrêter les Filles du Move, et moi je dis ah bon, vous croyez, vous êtes sûrs, pourtant c'est bien, et en fait je me suis pas battue. Parce que je pensais qu'ils avaient raison. Et c'est plus tard, même encore aujourd'hui, quand on m'en parle, quand on me dit mais cette émission, pourquoi ça s'est arrêté là? Et je me dis zut, là j'aurais peut-être dû aller défendre un peu mon beefsteak, ce que j'ai pas fait. Et donc pour les duos, non, alors Olivier Cachin, oui, on me l'a proposé, j'étais ravie. Thomas VDB, c'est moi qui avais suggéré parce que je voulais une petite dimension humoristique dans une émission musicale. Il en a fait trois et il a arrêté parce que ça l'énervait, il aimait pas préparer et tout. Et voilà, on est restés très très copains. Jean Z, bon bah aujourd'hui il est sur France Info, oui. Spécialiste du jeu vidéo. Oui. À une exception près, j'ai eu dans toute ma carrière radio que des duos très satisfaisants et toujours avec des garçons. C'est vrai qu'après les filles du Move, on n'osait pas plus me mettre avec des filles, je sais pas pourquoi. Donc toujours avec des garçons. Eh bien, on va faire une deuxième pause musicale tout de suite, Émilie, avec un morceau plus dans l'actualité. Et c'est un coup de cœur du moment pour vous. Ah oui, vous m'emmenez en Belgique. Oui, avec une certaine Angèle. Je fais beaucoup parler d'elle en ce moment. Everything was going well. No obligation. Thought I'd make a getaway on a chill out day. A coffee to take away. I got my hair done. Should have been a lovely day. Didn't end up way. Puis là, c'est trop parti en couille. A d'abord eu la pluie. La Lord Murphy a décidé d'enterrer mon brushing. Un mec me demande son chemin, gentil, moi je le dépanne. En fait c'était qu'un plan drax, ce qu'on m'a fait rater mon tram. J'en profite, je passe à la banque, je laisse passer mes mails. Si seulement j'avais su qu'elle relèverait tous ses extraits de l'année, je l'aurais poussé et coincé dans la porte automatique. One time, never give it up. You too, thinking it would be okay with this direction. What the heck? I should have stayed in bed. Netflix and honey tea curled up in my bed. Will be better in my sweater than be outside in this weather. Je me suis dit qu'il était temps. J'ai vite compris que c'était pas mon jour. C'était écrit sur cet écran que Murphy voulait ma peau. Ce retrait impossible pour cause de solde insuffisant. C'est Murphy qui l'a dit. love I got free for you. Where are you? La loi de Murphy d'Angèle. J'adore. Pardon, ah oui, j'ai encore chanté et dansé, excusez-moi. Oui, on pourrait ouvrir un karaoké dans le studio, je pense. C'est ça. Je sais pas si Europe 1 a déjà eu l'idée de le faire, d'ailleurs. Mais non, mais vous rigolez, les auditeurs vont partir en courant. Il faut pas que les gens m'entendent chanter, je suis désolée. En tout cas, un bon petit choix, Angèle, hein, issu de la nouvelle scène belge, qui a d'ailleurs une bonne scène musicale, niveau rock et musique électronique. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que j'étais bien contente quand j'ai été envoyée par Radio France pour bosser un peu en Belgique avec des collègues de Radio France belge, qui c'est la RTBF, et la Radio Jeune, qui était l'équivalent du MOVE. Ça s'appelait Pure FM. Et j'ai fait de très belles émissions avec eux. Et encore une fois, en duo avec un garçon, Sylvestre de Fontaine, très talentueux. Et est-ce que, justement, vous aviez constaté en Belgique des différences dans la manière de travailler par rapport à nos radios? Oh oui, ils sont détendus. Oh là là, ça fait du bien. C'est-à-dire qu'ils ont franchement conscience, voilà, qu'on n'est pas en train de faire de la chirurgie du cerveau ou de piloter un avion, quoi. C'est vrai qu'en France, on a tendance souvent à se prendre très très très au sérieux, à faire des crises de nerfs, pas possible, parce que on a fini l'émission avec 30 secondes de retard, et c'est grave et machin. En Belgique, c'est pas grave. C'est très détendu. On est moins sur les timings aussi, c'est-à-dire que moi j'avais cette éducation radiophonique à la française, voilà, au bout de 3-4 minutes, faut mettre de la musique, faut faire un truc, on peut pas... Ah, les Belges, non. Non, non, on parle 12-13 minutes, on fait des blagues. Non, non, très très relax. Donc c'était très sympathique, très convivial, la radio belge. Et puis, voilà, la française qui débarque dans une équipe. Tout le monde m'a hyper bien reçu. Je suis pas sûre que l'inverse aurait été vrai. Donc vraiment, j'ai que des bonnes choses à dire sur les Belges, et notamment la RTBF Pure FM. Ouais. D'accord. On va revenir donc au MOVE. Oui. Donc ça sent la fin, là, hein, c'est ça? Ça sent la fin. Vous allez me foutre dehors. Mais oui, non, mais c'est vrai. Bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Non, moi, je voudrais juste retenir les souvenirs marquants que vous gardez, vous, de vos années MOVE, au niveau des rencontres d'artistes, je pense, notamment, parce que vous avez dû rencontrer beaucoup. C'est ce que j'allais vous dire. Mais oui, moi, j'ai tout appris au MOVE. J'ai appris à faire de la radio, j'ai appris à animer une émission, j'ai appris à faire une interview. Et voilà, oui, bah, les Franz Ferdinand qu'on a écouté tout à l'heure, la première fois qu'ils sont rentrés dans le studio, Pete Doherty des Libertines, même chose. Enfin, j'ai vraiment Mathieu Chédid aussi, M, que j'aimais beaucoup, et que j'ai fini par interviewer via la radio. Ce sont des choses très marquantes. Les rencontres avec les auditeurs aussi, extrêmement marquantes. Vraiment, à deux, trois épisodes pas terribles, c'est 15 ans de bonheur, vraiment. Et d'apprentissage quotidien, en se disant, mais quelle chance j'ai, ces gens m'ont tout appris, vraiment. Sur la fin du MOVE, j'étais aussi en parallèle sur France Inter. Même chose, cette sensation un peu de fierté d'avoir pris du grade. Oui, il y avait le Fou du Roi, avec Stéphane Bern, notamment. Et voilà, donc oui, fierté, bonheur, même si c'était pas facile forcément tous les jours, mais quand je regarde en arrière, je me dis, waouh, c'est 15 ans, il s'est passé tellement de choses. Merci Radio France, vraiment. Et donc l'aventure Le MOVE se termine avec le changement de format, de nom. Changement de format, ça passe du rock au rap, changement de nom, Le MOVE devient MOVE, changement de patron, moi, changement de vie, puisque au moment où tous ces changements-là arrivent à Radio France, moi, je viens d'avoir ma fille, je deviens maman. Et bref, quand je rentre de mon congé maternité, je vois que c'est un peu morne-pleine en ce qui me concerne à Radio France, que bon, bah sur MOVE, ça va pas le faire, ils me veulent pas, mais que en même temps, il y a pas tellement de place pour moi sur Inter, que bah, voilà, je sens bien que ça va pas le faire, donc on se quitte bons amis. Et je m'occupe de ma fille, du coup, ce qui est plutôt une bonne chose. Pendant la première année de vie de ces petites choses, autant s'en occuper. Et puis ensuite, quand j'ai cherché du travail un peu plus activement, j'ai rencontré Bruno Gaston, qui était à l'époque le directeur des programmes d'Europe 1. Et qui m'a dit, oui, on va faire un truc ensemble, je vais te rappeler. Il m'a rappelé 11 mois plus tard, mais il m'a rappelé. Et j'ai fait donc mon premier job à Europe 1 pour animer le Festival des Vieilles Charrues et pour faire un été d'émission avec Philippe Manœuvre. Ce qui n'est pas rien, ça a dû vous faire quelque chose de faire de la radio avec un grand nom comme Manœuvre. Ah ouais, alors je le connaissais heureusement, parce que pratiquer le Philippe Manœuvre quand vous ne le connaissez pas d'avant, et qu'il faut l'apprivoiser, c'est un sport olympique. Moi, en l'occurrence, comme j'avais écrit un petit peu dans Rock et Folk et qu'on s'était beaucoup croisés à des concerts, qu'on avait des amis communs, j'étais déjà allée dîner chez lui, etc. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'étais très à l'aise. C'est quand même pas rien de bosser avec, j'avoue, un monstre. Un monstre de rock'n'roll, d'anecdotes, de... Enfin, c'est incroyable, manœuvre. C'est vraiment un type unique, en fait. Et il a été très sympa, très généreux avec moi, puisque j'aurais pu être embauchée. C'est souvent le cas dans les radios commerciales. Le garçon érudit et la femme plus jeune, un petit peu potiche, qui est là pour donner l'heure. Et là, c'était pas le cas. Il m'a vraiment laissé exister dans l'émission. Et du coup, ça m'a permis de me faire remarquer par la direction d'Europe, qui m'a gardée après cet été-là avec Philippe. Donc, je lui dois beaucoup là-dessus. Mmh. Vraiment. Et donc aujourd'hui, donc vous faites les soirées d'Europe 1, ouais, avec Chuffle. Arrêtez de dire Chuffle, c'est ridicule comme Shuffle. Ça. Shuffle. Shuffle. Oui. Les gens comprennent plus. Shuffle. Ouais. Je suis très contente. Ça a commencé fin août. Là, pour le coup, voilà, plus de Philippe Manœuvre, plus de Jean-Philippe Ballas. Je suis toute seule. Un peu trop seule même parfois d'ailleurs, je me dis ce serait bien quand même d'avoir un petit peu de monde autour de la table, mais voilà, les budgets sont ce qu'ils sont, je vais pas vous l'apprendre, hein. Donc là il y avait pas de budget pour prendre des chroniqueurs, donc on m'a dit mais tu vas le faire toute seule, tu vas faire une heure et puis tu vas raconter des trucs aux auditeurs, ils vont tweeter, effectivement c'est ce qui se passe, on a une petite interaction avec les auditeurs sur les réseaux sociaux, et donc voilà, c'est une heure de musique de 21h à 22h sur Europe. C'est très éclectique aussi, hein. Ouais. J'étais même surpris d'entendre un peu de hip-hop aussi sur l'antenne d'Europe 1. Oui. Mais comment ça a pas été trop dur à négocier justement cette carte blanche totale avec la direction ? C'était un prérequis de ma part. C'est-à-dire, j'ai dit, moi, je veux bien tout. Il y a pas de problème. Vous choisissez l'horaire. Ok, j'ai pas d'équipe. Enfin, j'ai pas de chroniqueur. Je dis, par contre, je veux un truc. Je veux le contrôle total de la musique que je vais passer. Parce que, alors, pour le coup, je m'en suis rendu compte quand j'ai quitté Radio France au bout de 15 ans. Quand vous n'avez plus de boulot, vous n'avez plus de copains, vous n'avez plus de relations de travail, vous pouvez appeler, hein, les anciens collègues, personne ne vous file un coup de main. Tout ce qui vous reste, c'est votre image. Votre image, et quand on s'occupe d'émissions musicales, votre sérieux, peut-être, je dirais, ou en tout cas, le côté j'aime bien cette fille et je sais le genre de musique qu'elle va me faire écouter. Donc, moi, j'avais plus que ça. Donc, si j'allais sur Europe 1 pour passer du Lara Fabian, pardon Lara, qui est une fille délicieuse, hein, mais que moi, voilà, musicalement, je ne valide pas, si je vais sur Europe 1 parce que je cherche du travail et pour passer du Lara Fabian parce qu'il faut bien bouffer, le souci, c'est qu'après, une fois que ça s'arrête, parce que ça s'arrête toujours, eh ben, j'ai même plus mon image d'intégrité musicale. Donc, dès le départ à Bruno Gaston, j'ai dit mais j'adore l'idée, je rêve de travailler à Europe 1, c'est une belle maison qui a une histoire musicale dingue, hein. Les premières interviews en France de Jimi Hendrix, Beatles, Beach Boys, tout ça c'était sur Europe 1, c'était une radio très très rock'n'roll dans les années 60. Donc j'ai dit j'adore, par contre c'est moi qui choisis tous mes disques. Et il a dit oui. Alors il a quitté son job genre 3 jours après, mais il m'avait dit oui, il avait signé, donc j'étais tranquille. Et voilà, j'ai continué comme ça et je suis bien contente de choisir les disques. Un parcours très riche, hein, pour Émilie Mazoyer. Elle est contente, elle est bavarde. Qui a commencé au Standard pour devenir chroniqueuse puis animatrice. Et aujourd'hui sur Europe 1, on peut l'entendre sur les grandes ondes quand même, c'est pas rien. Eh oui, vous vous rendez compte un peu? Non mais c'est génial, moi je suis ravie de ce parcours. On va attaquer donc la partie questions de cette émission avec la question capsule pour commencer. C'est une question de l'invité de la précédente émission. Ah oui. Et donc là c'est Linda Lorrain depuis Nova qui a un petit mot pour vous. Émilie, c'est vrai qu'on se connaît pas. Enfin, juste, je te connais comme ça par tes émissions. Non, mais j'aimerais juste avoir des nouvelles de Daniel Morin. J'étais sûre qu'elle allait me parler de lui. Daniel Morin, que vous aviez croisé sûrement au Fou du Roi sur France Inter et qui était aussi un ancien collègue de Linda à l'époque IFM. Bon souvenir du monde de Monsieur Fred. Oui, c'est ça. Donc Linda et Daniel ont travaillé ensemble. Daniel et moi avons travaillé ensemble, puis on s'est plus quittés. Hein. C'est lui le papa de la petite fille dont je vous parlais tout à l'heure. Donc Linda, chère Linda, ravie d'entendre ta voix. Daniel va très bien. Il continue à bougonner un petit peu et à mettre des chaussures improbables. Ça, c'est le problème de mon mec. C'est les Santiago. blague, c'est ridicule. Mais ah, à part pas... ça, voilà, il va très bien. Ah bon, c'est pas un caprice d'Albout de Perchu. Ah non, non, j'ai toujours cru. Non, dans la vraie vie, il est un peu comme ça aussi. Et voilà, et c'est un super papa, et il va très bien, il est très heureux. Lui est à France Inter tous les jours. Voilà, ça se passe bien pour lui. Ah, c'est trop bien d'entendre Linda Lorin. Elle sera ravie, je pense. Bon, Daniel Morin, un jour dans la mécanique des ondes, peut-être, on verra bien. Ah bah je vais vous pistonner, ouais, je vais faire un truc. À suivre. Et on va terminer maintenant, Émilie Mazoyer, avec le questionnaire rapide. Ah, attention. Oui. Attendez, je respire. Tout Allez-y. Va bien se passer. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle. Maïtena Biraben. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Fun radio. Du temps où c'était rock, hein. Ah bah, Doc et Difool et le rock à fond toute la journée. Quelle radio vous réveille le matin? France Info. Quelle radio vous endort le soir? Non, j'écoute pas la radio le soir. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Ma salle de bain. Si j'oublie la radio ailleurs, j'arrête ce que je suis en train de faire et je vais chercher la radio, je la ramène dans la salle de bain. La salle de bain m'angoisse sans radio. Ah. Voilà. Pas de douche sans radio? Ah non, jamais. Non, je préfère être sale, monsieur. Quand elle chante au studio, c'est qu'elle a pas chanté sous la douche. C'est ça. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais, la radio? Dans ma chambre. Votre meilleur souvenir de radio? Les filles du Move. Le pire? Yacine Bellatar, sale type. Un conseil enfin à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio? Alors, ne pas croiser Yacine Bellatar. Et les radios associatives, évidemment, si vous en rêvez, c'est un virus qui vient tôt, en principe, hein, vers 12, 13 ans, on commence à écouter la radio en se disant « mais je ferais bien ça », on est devant le miroir, on présente un flash, moi c'est comme ça que ça a commencé. Donc voilà, soyez plus malin que moi et trouvez la radio associative qui est près de chez vous. Et au moins vous saurez si vous aimez toute cette coulisse de radio, tout cet univers, les studios, les micros, les fils, les consoles, parce qu'après une fois qu'on est dans le bain, on n'a plus envie de sortir, quoi. C'est la meilleure école qui soit, encore une fois. Eh oui. Merci Émilie Mazoyer, en tout cas, merci d'avoir beaucoup. Partagé avec nous vos années radio. C'était un plaisir. Merci, j'étais ravie d'être là. En tant qu'ancien éditeur du Move, en plus. Ah. Et puis, vous, merci d'avoir été à l'écoute de la mécanique des ondes. Nous revenons le mois prochain sur Fréquence Protestante avec un nouvel invité radiophonique. D'ici là, n'oubliez pas, émission en réécoute à volonté sur fréquenceprotestante.com et sur les réseaux sociaux de la mécanique des ondes.